de phrases assez machinalement. J'ai pu camoufler des faits, des choses à des amis, parents. Rien de grave, quelques phrases qu'à mon avis sans importance. Des pensées passées sous silence pour éviter de trop faire de vagues inutiles. J'étais sincère, voyant bien faire, et au final, je regrette qu'ensuite des escamotages anecdotiques aient pris avec le temps des proportions phénoménales. Je pensais pas qu'ils allaient grossir, comment savoir à quel point ils s'empileraient, faisant comme si j'avais menti. À dire vrai, si j'avais soupçonné ce genre de réaction à mon égard, si j'avais pu prévoir qu'ils érigeraient de telles barrières, j'aurais gardé pour moi bien moins de secrets, bien moins d'histoires. J'aurais moins calculé, moins cherché à contrôler, sous couvert de préserver la paix, le soi-disant calme ambiant, l'équilibre supposé. En fait, si faussé, j'aurais laissé de la place aux plaies, simplement prévu des pansements, réagi plus spontanément, moins stocké de mots sur le bout de ma langue. Questions et confidences, joie, peine et déception, frustration, besoin d'assistance, malaise, désillusion. S'installer, moisissent nos armoires, s'étaler, tapissent nos parois, jusqu'à ce qu'on les fasse sortir, mais par flemme, on les ignore. C'est quand on les croit oubliés que la flamme prend et qu'ils ressortent. J'ai pas fait l'effort de voir ce qui flottait dans les silences, et encore moins de laisser voir ce dont je taisais l'existence. Certains l'étalent, d'autres les masquent et serrent les masses éthères. Tracas, chagrin, agressivité, effroi, dédain, culpabilité. Les douleurs s'expriment sous différentes formes. Celui qui veut les faire taire, souvent les renforce. Parfois imperceptibles sont les fusées de détresse. Les affres se déterrent et nous détériorent de l'intérieur. On se déteste, tout s'en prend à l'autre. On aimerait se sentir libre, mais l'on sent la corde. Bienvenue dans l'insondable psyché, là où tout est opaque et le cœur asséché. Ce n'est que jeu de miroir, ça paraît insoluble. Si bien que même les proches ont de parfaits inconnus, on lègue en héritage ce cadeau empoisonné, ce puzzle insaisissable, capable d'emprisonner. Regarde les familles se déchirent sans se comprendre. Même quand tout va, rien ne va, mais bon sang, le non-dit s'accumule, espérant que ça suture. Et nos progénitures en sont la sculpture, ça suppure, ça suppute, sans trouver repos. On opère les mots sans connaître les causes. Voilà comment nos enfants naissent éclopés, portant les peines que nous n'avons su écoper.